samedi soir, la lune des claires étoiles t'a brillé. Fleur jasmin chevalier de nuit, t'as dégagé au dé en bon mec à la caille. T'es gagné un bon petit vent, y'a un petit vent doute soufflé dans le feu noir. Y'a un petit vent doute poté l'amour, y'a un petit vent doute poté l'espoir. T'as coup y'a une belle musique sans parole, qui pour ton message qui me bat sa coupe. Jackie Chez, Single Down, Sarato, How are you, mademoiselle? Day. Dans la vie, toujours des surprises, des affaires graves passées à Xanga. Suzy, Terry, même tape méprisé, peut-être Manouchka. Les Manouchka viennent abandonner. Tristesse vient envahir comme tant couillon en jabier en lumière. Moi on déesse qu'a vint sous main. Comme bat fort comme fait chair de poule. C'est Suzy qui t'a vint nos frimes qu'elle. Amis, on raconte nos histoires de Zamim. Un Zamim qui est le Manidji et puis Madame Nissus. Même tous deux mounio d'amour en tant que petit pigeon. Mais, nous-mêmes dans Jaza, nous toujours avons dit Manidji a fait plusieurs femmes dans son problème. Mais à la fin, je ne suis pas jamais goûté nous. Et puis un jour, je suis invité Madame Nissus sorti. Et puis madame lui dit, chérie, jeudi en séjour, l'église même pas sorti. Alors monsieur était bien content tout. Monsieur prend l'autre femme ni sorti. Et puis pendant monsieur dans la machine, nous prenons le temps de oui mes amis. Et puis monsieur dit, chérie, femme n'a pas répondu. Monsieur dit, chérie, femme n'a pas répondu. Là monsieur voit, j'ai le gars de femme. Et puis monsieur, ouais, femme n'a gompi, oui, il est dans la bouche. Et puis femme n'a c'est sec pao. Et puis femme nan dit ça gain. Et puis monsieur dit chérie, ça fait puis William douce dans bouche comme ça. Et puis femme nan dit regardez monsieur. Monsieur dit femme nan ah, quand ça fait puis William douce dans bouche comme ça. C'est si bois oui chérie. Si bois nan dada là. Pas quitter ça emporté, décider pour pas regretter. Ou qu'un toi aimé Jessie, même j'en qu'il y a pas de femme pour Nathalie. N'a qu'à pas me saisir, quitter femme chance même pas de réaliser. Malaya d'amour, si faut y d'amour, ne moni d'amour. Quand lui est-elle comme Malaya d'amour, si faut y d'amour, ne moni d'amour. Moi malade d'amour. Quand le téléphone est malade d'amour, si pour d'amour, le monde est. Et puis nous n'êtes pas pour l'autre s'il vous plaît. Gabelle, à la douce, son si haut. Gardez-les, oh, vieux pas.